إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنه من المعلوم أن الإسلام دين رحمة ودين نظام ليس الإسلام دين فوضى جاء الإسلام لنشر العدل والرحمة بين العباد ولإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن العذاب إلى الرحمة والرأفة قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فلهذا قد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى فالإسلام دين رحمة ودين رأفة جاء لإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن الفوز والفساد إلى العدل والصلاح ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعوكم فقال يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الصلاة والصلة والعفاف ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذه الأخلاق وعلى الرحمة والرأفة فكانوا رسلا للعالمين وكانوا سببا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وسببا لهداية الناس للدخول في دين الإسلام فحببوا الناس إلى الإسلام بالأخلاق والرحمة فدخل الناس في دين الله أفواجا كان هناك شابا يهوديا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا اليهودي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فدعاه إلى الإسلام فنظر ذاك الشاب لأبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار به عباد الله ما حصل في باريس من التفجير الذي حصل وتبناه داعش وهذا وراءه من وراءه من الفساد والخراب فإن في ذلك أولا في هذه الاغتيالات الانتحار وهذه العمليات الانتحارية على مسماها انتحار وليس جهاد في سبيل الله وأصحابهم مستحقون للعذاب كما قال العلماء فهي ليست من الإسلام بشيء وأفعالهم لا تمثل الإسلام والإسلام بريء من أفعال هؤلاء الذين شووا الإسلام ويزعمون أنهم يجاهدون والجهاد منهم بريء فالإسلام بريء من أفعالهم وقد بين العلماء شر فعلهم من يقومون بهذه العمليات الانتحارية فإنهم يجلبون الضرر على الإسلام فأولا فيه تشويه للإسلام والإسلام بريء من هذه الأفعال الإسلام لا يخون ولا يغدر ويحفظ العهود ويحفظ الجوار، وكل هذه آداب شرعية دعا إليها الإسلام، ولا ينقض العهود حتى مع الكفار. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات والعهود مع المسلمين ومع الكفار. ثم ثانيا، هذا لا يجلب للإسلام والمسلمين إلا الشر، فإنه يحصل من جراء ذلك ضرر للمسلمين في فرنسا، ويحصل أيضا فيه نفرة من الإسلام، وهذا مقصد من المقاصد التي يقوم بها هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات. فإن وراء هؤلاء داعش وغيرهم من أصحاب الرايات اللي يسمونها جهاد، وراء الاستخبارات العالمية وعلى رأسهم إيران وسوريا، لأن داعش نبتة رافدية نصيرية وجهت لقتل أهل السنة. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا وأن يعرفوا ضلال هؤلاء، ويعرفوا أن الإسلام بريء من أفعال داعش. فالإسلام دين رحمة يدعو إلى الخير وإنقاذ البشرية وهداية العالمين، يدعو لإنقاذ العالم من الظلمات إلى النور ومن الفساد إلى الصلاح. دين عظيم، دين رحمة ورأفة، ليس دين قتلا وفوضى. أفعالهم هذه تدل على قسوة القلوب وانحراف وسعي في النكاية بأهل السنة هنا. فإن الإسلام قد انتشر في فرنسا، وأقبل الناس في فرنسا على الدخول في دين الله أفواجا، رجالا ونساء، بل أقبلوا على السنة والتمسك بما كان عليه السلف. فربما غاض هذا الرافض، فيريدون تشوي الإسلام وتنفير الناس على الإسلام والسنة. فالمقصود بيان أن الإسلام بريء من هذه الأفعال الشنيعة، وأن الإسلام دين رحمة ودين عدل، ليس دين فوضى واغتيالات. وهذه الأفعال الإجرامية يبرأ الإسلام منها ويؤثم أصحابها في تلك الأعمال التخريبية، ومنشأ ذلك غلو اعتقادي ناشئ عن عدم فهم القرآن وعدم فهم الدين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف من الناس: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وهم لا يفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. يقول النووي رحمه الله: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم، لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. انتهى كلامه. عباد الله، لقد عظمت الفتنة في هذه الأمة بسفك الدماء وقتل الأبرياء ونحر الأعناق وتعليق الرؤوس وتناثر الأشلاء وإثارة الفتن العمياء وتواصل حلقات الإفساد والتكفير واستمرار مسلسل التفجير والتدمير. ولا يرتاب العقلاء أن ما حدث في فرنسا وفي بعض بلاد المسلمين يعد جريمة شنعة وفعلة نكرة لا يقرها دين ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية، وهو بكل المقاييس أمر محرم وفعل مجرم وتصرف مقبوح وعمل إرهابي مفضوح. أنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أين ذهبت هؤلاء من شهادة أن لا إله إلا الله إذا جاءتهم تحاجهم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وغضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه وهو يقول لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية، يعني خوفا من القتل. قال: أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال رضي الله عنه: فوددت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الله أكبر، الله أكبر. هذا فهم الصحابة الأبرار والسلف الأخيار لحرمة الدماء المعصومة. ثم يزعم هؤلاء المجاهلة الأغرار أنهم يقيمون شرع الله ويطهرون الجزيرة، يعني جزيرة العرب، من المشركين، ويقيمون دولة الإسلام على الأرض، على أرض العراق والشام. فإلى الله المشتكى من نابتة أغرار وشرذمة أشرار، حدثاء الأصنام، سفهاء الأحلام، الذين يحدثون الفتنة والشر. عباد الله، تقربوا من فضلكم، غابخوشيفو، جزاكم الله خير. عباد الله، إنما يجري في بعض بلاد المسلمين وغير المسلمين من سفك الدماء المعصومة وإزعاق الأنفس البريئة وأعمال التفجير والتدمير والتخريب والإفساد وغيره، لهو من الأعمال الإجرامية المحرمة التي هي إفراز الفكر التكفيري المنحرف، تأباه الشريعة والفطرة السليمة والعقول المستقيمة، ويرعى أعداء الأمة لتشويه صورة الإسلام السمحة. وكفى تشويها للإسلام دين الرفق والإصلاح والتأمين، لا للعنف والتدمير والتفجير. كفى تشويها لصورة الجهاد الشرعي ذروة سنام الإسلام بمثل هذا التخريب والإفساد والإجرام. فهذا تحذيرا للشباب بعدم الاغترار بهذه المسالك، والأخذ من العلماء الربانيين في هذه الظروف، وأسلكوا مسلك الوسطي والاعتدال والحذر، كل الحذر من فتاوى أهل الكونة المجاهيل. عباد الله، لابد من حراسة الأمن بكل صورة أمام الأفكار المنحرفة والطيارات الضالة، سواء في جانب الغلو أو العنف والفكر التكفيري أو التحزبي. وهنا يأتي دور البيت، وهنا يأتي دور البيت والأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الأعمال، حتى يسلم العباد وتأمن البلاد، ويعلم الله الذي لا إله غيره. إن ذلك عين الشفقة ونصح للأمة في وقت كثرت فيه الأهواء وتعددت فيه الآراء وتنوعت فيه الأحزاب. والله المستعان. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. serviteur d'Allah، craignez Allah comme il se doit et ne soyez pas de ceux qui suivent leur passion ni la voie des innovateurs, la voie de ceux qui se sont égarés de la voie droite. Ne les suivez pas et ne les supportez pas. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La'ana Allahu man awa muhditha. Allah a maudit, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui supporte un innovateur. Sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que toutes les choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah, tout cela sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteur d'Allah, ce qui est connu, c'est que l'islam est une religion de miséricorde, de bien, de sécurité, et non une religion de destruction, d'injustice et de désordre. L'islam est venu pour mettre la justice et la miséricorde entre les gens et pour sauver les gens des ténèbres vers la lumière, du châtiment vers la miséricorde et la compassion. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah par ceci, le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. » Ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. C'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a décrit dans son livre son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Allah Azza wa Jal dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, je suis une miséricorde offerte. L'islam est une religion de miséricorde, de compassion, pour sauver l'humanité de l'adoration des créatures à l'adoration du Créateur, pour sauver l'humanité du désordre et de la corruption à la justice et à la bonté. C'est pour cela, lorsque Héraclius, l'empereur romain, a demandé à Abu Sofyan, avant que Abu Sofyan ne se convertisse, quel est le message de celui qui prétend être un prophète, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sofyan répondit, il nous invite à ce que l'on voue exclusivement l'adoration à Allah seul, sans lui attribuer un quelconque associé dans l'adoration. Et à ce que l'on établisse la prière, et à ce que l'on entretienne les liens de parenté et à la bonté. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons sur ses comportements et sur la miséricorde et la compassion, devenant ainsi des messagers pour les gens sur ses nobles caractères, ses nobles comportements. Ils furent ainsi une cause dans la guidée des gens, des ténèbres vers la lumière, et une cause dans la guidée, dans l'entrée dans l'islam, de nombreux individus en leur faisant aimer la religion. Il y avait un jeune qui était de confession juive, qui travaillait chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune juif tomba malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de lui rendre visite et il l'invita à l'islam. Il regarda son père, cet enfant regarda son père, et son père lui répondit, obéis à Abel Qasim. C'est la cognée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Obéis à Abel Qasim. Le jeune s'est mis alors à dire, je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, Dieu Tout-Puissant, Allah. Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit et dit alors, louange à Allah qui l'a sauvé du feu par moi. Louange à Allah qui a sauvé cet enfant qui était juif du feu, en se convertissant à l'islam. Serviteur d'Allah. Voyons maintenant ce qui s'est passé toute cette semaine. Ce qui s'est passé sur Paris et dont Daesh l'a revendiqué, semant le mal, les crimes, le désordre, l'injustice, ces missions suicides et meurtres d'innocents. Et c'est comme cela qu'il faut les appeler. Missions suicides. Ce sont des attentats suicides et non du jihad dans le sentier d'Allah. Et leur auteur mérite le châtiment, tel que les savants l'ont dit. Tout cela n'a strictement rien à voir avec l'islam. Tous ces crimes, ces meurtres, ces attentats suicides, n'ont rien à voir avec l'islam. Il suffit de voir qui sont ces individus. Ce ne sont ni des étudiants en sciences, ce ne sont ni des gens qui côtoient les mosquées, ce ne sont ni des gens qui apprennent leur religion. Ce sont des trafiquants, des dealers. Hein? Celui qu'ils ont attrapé, il avait un bar. L'alcool est permis dans l'islam ? A'oudou billah. Hein? Cette femme qui s'est fait exploser, elle est connue pour aimer la vie. Je cite. Elle buvait, fumait et se droguait. Elle n'a jamais porté le voile. Et là, on la voit sur une photo voilée et tout serré. Hein? Subhanallah. Donc ne soyez pas trompés par ses ennemis, ces chiens de l'enfer. D'accord ? Que ceux qui les supportent, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Que ceux qui le supportent, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et que ceux qui le supportent, qu'Allah les guide ou qu'Allah leur brise le dos. Tout cela n'a strictement rien à voir avec l'islam. Et l'islam est innocent de tous ces meurtres, ces boucheries, ces traîtrises, ces lâchetés. L'islam n'a strictement rien à voir avec cela, avec des têtes qui sont coupées, des corps morts qui sont traînés sur la route, la traîtrise et le mensonge. Hein ? Y en a-t-il un qui portait la barbe parmi eux ? Ils se rasaient tous la barbe. Ils ne portaient ni le qamis ni rien du tout. Pourquoi ? Pour tromper les gens, pour trahir les gens. Et le musulman est quelqu'un qui est clair et qui est droit. Le pire ennemi de Cheikh al-Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, avait dit, après la mort de Cheikh al-Islam, que le Cheikh al-Islam bin Taymiyyah, depuis le début jusqu'à la fin, il était le même. Il était le même. Il n'y a pas de double discours, pas de double langage, pas une fois pile, une fois face. Hein ? On ne trompe pas. Le musulman, ce n'est pas un traître, ce n'est pas un lâche qui va aller s'acharner avec des armes devant des gens qui n'ont même pas d'armes, une femme qui est enceinte qui crie « Arrêtez, je suis enceinte » et il leur tire dessus. Hein ? C'est ça cette lâcheté ? Quels sont ceux qui supportent cette lâcheté ? On ne peut les considérer comme des hommes avant de les considérer comme des musulmans. Quel est celui qui connaît sa religion, qui aime Allah, qui aime la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui accepte la lâcheté et la traîtrise? Personne, vous verrez, des gens de la sunna ne peuvent accepter cela. Mais les gens de la sunna ont toujours mis en garde contre tous ces crimes, ces meurtres, ces lâchetés, contre tous ces égarements, contre tous les innovateurs et ceux qui veulent inventer dans la religion d'Allah. Voilà pourquoi il faut mettre en garde contre l'innovation et leurs adeptes. Car laisser tranquille les innovateurs, c'est laisser les gens s'égarer. Alors qu'il n'y a qu'une seule voie droite à suivre, c'est sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, les salafs salih, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Donc l'islam n'a strictement rien à voir avec tout cela. Tout cela, tous ces crimes, ces meurtres d'innocents, n'a strictement rien à voir avec l'islam. Et les savants de la sunna ont clairement mis en évidence l'égarement de ces individus qui commettent ces actes interdits de meurtre, de crime, de lâcheté, de traîtrise. Ces criminels, ces terroristes ne font que donner une mauvaise image de l'islam. Alors que l'islam est innocent de ces crimes, ces attentats, ainsi que des individus qui les ont perpétrés. L'islam est innocent de tout cela. Donc si les gens veulent juger quelque chose, eh bien qu'ils remettent la faute sur l'individu qui a commis cela. Et qu'ils n'attribuent pas et qu'ils ne s'affilient pas à la sunna ni au manhaj des salafs. Subhanallah. Approchez-vous s'il vous plaît, barakallahu fikum, pour laisser de la place aux frères. Donc que les gens qui veulent faire tout ce genre de crime et de lâcheté, eh bien qu'ils se l'attribuent à eux-mêmes, mais qu'ils ne l'attribuent pas à l'islam. Ils en ont marre de la vie, ils veulent se faire exploser. C'est leur problème à eux, mais qu'ils ne la reposent, qu'ils reposent pas cela sur l'islam. Vous comprenez pourquoi ce sont les ennemis de l'islam ? Y a-t-il quelqu'un qui aime sa religion, qui aime Allah Azza wa Jal, et qui aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui veut bloquer le sentier de la da'wah ? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas qu'Allah Azza wa Jal guide ces gens-là ? Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. L'islam ne trompe pas. L'islam ne trahit pas. L'islam ne triche pas. L'islam n'enseigne pas la lâcheté. L'islam n'enseigne pas les mensonges. Par contre, l'islam entretient le bon voisinage, entretient les pactes et les dépôts. Et cela fait partie de la sharia, de la législation d'Allah Azza wa Jal. Allah le Très-Haut dit, ceux qui veillent, dans la traduction du sens du verset, ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Et le fait de sauvegarder, d'entretenir les dépôts, cela est avec les musulmans et avec les non-musulmans. Entretenir les dépôts et les engagements, cela se fait avec les musulmans et les non-musulmans. C'est pour ça que les ulama, les savants de la sunna, ont clairement dit que les ambassades des pays d'origine qui sont musulmans, qui se trouvent en France, cela, ce sont des pactes entre eux, ces gouverneurs non-musulmans et nos pays musulmans. Donc il ne faut pas rompre ce pacte. Ils ont dit, ta carte d'identité, ta carte de séjour, c'est un pacte, un dépôt que tu as entre ce pays non musulman et toi. Tu ne dois pas rompre les pactes. Tu ne dois pas être un menteur. Tu ne dois pas être un tricheur. Tu ne dois pas être quelqu'un qui souhaite que le mal se dissipe dans le monde. Qui veut que le mal se dissipe dans le monde ? Billahi alaykoum, qui veut que le mal se dissipe dans le monde ? Eh bien, c'est l'armée du shaitan, du diable, ceux qui font le jihad dans le sentier du diable. Ce sont ces gens-là qui veulent le mal. Donc, ne trahis pas, ne mens pas, ne fraude pas, ne sois pas un lâche, ni un égaré, ni un supporter des innovateurs, ni un innovateur qui rompt les pactes. Les actions de tous les terroristes dans le monde n'a pour but que de faire fuir les gens de l'islam et de la sunna. Daesh, ce groupe du diable, ces chiens de l'enfer, ne sont en fait qu'une des branches des Rawafid. C'est une secte chiite qui sont des kofars, qui ont pour but de tuer les gens de la sunna et de tuer tout individu qui souhaiterait suivre la voie droite. C'est pour cela, il ne faut pas être étonné. Voyez ce qu'ils ont fait, ces Khawarij. Ils ont tué les compagnons du prophète Mohammed alayhi salat wa salam et ils croyaient qu'ils faisaient une bonne action. Ils ont tranché la tête de Othman ibn Affan radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hein ? Ce Khariji, je n'ai pas vu une tête plus mauvaise que celle-là. Alors que c'était la tête de Othman ibn Affan, celui dont les anges avaient honte. Yanni ? Hein ? Celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur la montagne de Uhud et qu'il y a eu un tremblement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sois ferme Uhud. Tu as au-dessus de toi un prophète, un véridique pour Abu Bakr Siddiq et deux martyrs. Deux martyrs. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Deux martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera un martyr. Et les Khawarij l'ont tué. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien nous disons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous attestons que c'est un martyr. Ne croyez pas que ceux qui se tuent et qui se font exploser sont des martyrs. Mais ce sont les pires des gens qui sont tués. Et les meilleurs des gens qui sont tués, ce sont ceux qui ont été tués par les Khawarij. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires tués sont leurs tués. Les pires tués sont leurs tués. Et les meilleurs qui ont été tués, hein, eh bien, ce sont ceux qui ont été tués par ces criminels, ces Khawarij. Donc, ils sont les pires des tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que s'ils seraient encore vivants et qu'ils apparaisseraient, ils les combattraient. Ils les combattraient. Alors, je les combats et nous les combattons tous et nous mettons en garde contre ces innovateurs, ces égarés et ceux qui veulent injecter leur venin dans le cerveau des jeunes qui ne cherchent même pas à s'éduquer dans la religion d'Allah. Leur savoir et leur science, Facebook, YouTube. Et si tu lui dis que signifie la ilaha illallah, il ne sait même pas. Et si tu lui dis quelles sont les conditions de la ilaha illallah, il ne sait même pas. Et si tu lui dis que signifie wa anna Muhammad Rasulullah, il ne sait même pas. Et si tu lui dis quelles sont les obligations et ce qui est surérogatoire dans la prière, il ne sait même pas. Mais il n'a pas de problème à rendre mécréant et à encourager ou à participer à ces crimes et meurtres. Parce que ces gens-là ne veulent pas être sincères envers Allah. Et ces gens-là se sont égarés de la droiture. Pourquoi ? Car ils ne sont pas retournés aux savants de la sunna. Mais ils sont retournés à leurs propres ignorants qui les égarent. Du'at ala abwab jahannam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il y aura des prédicateurs aux portes de l'enfer. Mes frères, on suit le Coran et la Sunna. Leurs vidéos sur YouTube. Mes frères, je vous jure, on suit le Coran et la Sunna. Voilà nous ce qui nous diffère de tous ces groupes et sectes égarés. Tous les groupes dans l'islam, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous suivons le Coran et la Sunna. Nous suivons le Coran et la Sunna. Suivons le Coran et la Sunna. Et ceux qui sont sur la voie droite, sur la voie de nos pieux prédécesseurs, ils disent quoi ? Nous suivons le Coran et la Sunna, comme l'ont compris les compagnons, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qui sont ceux qui ont qui ont mieux compris la religion. Ce sont les compagnons. Ils ne comprenaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait la bonne explication, la bonne compréhension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué, n'a rien oublié. Tout est clair dans la religion. Mais on se doit de retourner à leur compréhension. On se doit de retourner à leur compréhension. L'islam invite au bien et non pas à la tuerie et à la traîtrise. Le cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajji avait dit: celui qui cherche un raccourci vers l'enfer, qu'il aille rejoindre Daesh. Que ceux qui veulent un raccourci vers l'enfer, qu'ils aillent rejoindre Daesh. Et ceux qui veulent que la malédiction d'Allah s'abatte sur eux, eh bien, qu'ils supportent tous ces groupes égarés. Supportez-les et recevez la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Parlez mal sur les savants et vous serez empoisonnés. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chair des savants est empoisonnée. Donc ceux qui parlent mal sur les savants de la sunna, hein, en les dénigrant, en les traitant les savants du sultan, les savants qui sont dans leur palace et qui ne savent rien, l'islam a été révélé pour tout temps et tout lieu. Ce n'est pas confiné à un endroit, en tout temps et en tout lieu. Donc craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Car on se fera juger sur tout. Sur nos paroles. Sur quoi est attiré nos cœurs. Et l'individu sera avec celui qui l'aime le jour de la résurrection. Al mar'u ma'a man ahab. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'individu sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes les gens de la sunna, tu seras avec eux. Mais si tu détestes les gens de la sunna, tu seras avec ceux qui détestent les gens de la sunna. Et si tu aimes les innovateurs, tu seras avec les innovateurs. Et si tu aimes les criminels, tu seras avec les criminels. Tu seras avec celui que tu aimes. Que tous sachent que l'islam est innocent et n'a strictement rien à voir avec tous ces terroristes, avec tous ces chiens de l'enfer, tels que Daesh, tels que Boko Haram, tels que Shabab, tels que Al-Qaïda, tels que Acme, et tous ceux qui s'y apparentent ou qui les supportent. Leur boucherie, leur égarement, leurs actes terroristes n'a strictement rien à voir avec l'islam. Et nous condamnons avec fermeté tous ces crimes, ces meurtres, cette lâcheté, ces mensongers, les traîtrises. L'islam invite au bien, à la miséricorde, au succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les actions de ces terroristes prouvent que leur cœur est dur et qu'ils n'acceptent pas la vérité, seulement ce qui est en conformité avec leur passion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur concernant, ils récitent le Coran, mais celui-ci ne dépasse pas leur gorge. Il ne va pas dépasser leur gorge lorsqu'ils vont le réciter. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, ce qui est voulu par cela, c'est qu'ils n'ont aucune part du Coran, et ils ne font que lire sur leur langue sans le comprendre, ni l'étudier, si bien qu'ils ne dépassent pas leur gorge et n'atteignent pas leur cœur. Aucune personne qui a toute sa raison, aucune religion ni personne intègre ne peut accepter ou encourager de tels actes insensés de violence et de terrorisme. Ne lisent-il pas les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Où sont-ils? Ne lisent-il pas les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Où sont-ils de la parole du prophète alayhi wa sallam? La première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, ce sera sur le sang qui a coulé. Craignez Allah azza wa jal comme il se doit. Où sont-ils allés chercher leurs crimes et leur égarement? Qu'ont-ils fait de l'attestation de foi lorsqu'elle leur sera présentée le jour de la résurrection, lorsqu'ils tuent? Hein? Vous connaissez tous ce hadith d'après Oussama bin Zayd radiallahu anhu, qui avait tué un homme, qui avant de le tuer, cet homme-là a dit: je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Mais il l'a tué. Les compagnons, radiallahu anhum, ajma'in, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont rapporté ce qui s'était passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oussama, as-tu tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Il le répéta. Oussama, as-tu tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah ? Il répondit, il l'a dit par peur que je le tue. Le prophète alayhi salam a répondu, es-tu rentré dans son cœur pour savoir ce qu'il pense et ce qu'il croit ? Et pourquoi il l'a dit ? Que feras-tu, ô Oussama, le jour de la résurrection, lorsque la ilaha illallah se présentera devant toi et que tu as tué cet individu ? Cela est la compréhension. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite, Oussama ? Il a dit, j'aurais souhaité que je n'étais pas rentré dans l'islam qu'à partir de ce jour-là. Regardez la compréhension des sahaba, des salafs, des pieux prédécesseurs. Donc ne soyez pas trompés par ce qui se déroule dans les médias. Salafi, salafi, jihad, salafi, jihad. Hein ? Pour égarer les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqoul li ibnatihi Fatima ni'ama salafan alek. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel meilleur salaf que je suis pour toi, ô Fatima. Et le salaf, ce sont ceux qui a précédé. Le salaf et salaf, ce sont les pieux prédécesseurs. Parmi les trois premières générations, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Khayrun nas qarni, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ce sont les meilleurs des générations. Et ce qui dérange ici, c'est lorsque des gens qui ne connaissent rien de la religion d'Allah, ou qui se prétendent être des spécialistes et experts de l'islam, et qui se mettent à parler sur cela en disant « il y a une salafie politique quiétiste, djihadiste ». C'est en fait attribuer ce terme-là, ces violences, ces boucheries et ces meurtres à qui ? Les attribuer aux pieux prédécesseurs. S'ils ont fait cela, c'est parce que leurs prédécesseurs l'ont fait. C'est pour ça qu'ils sont des salafis. Et ceci est strictement faux. La voix des pieux prédécesseurs est une. Donc il ne faut pas se tromper dans cela. Et lorsqu'ils parlent des moujahidines, ce ne sont pas des moujahidines, barakallahu fikum. Le jihad fait partie de l'islam. Et c'est l'un des grands actes d'adoration en islam. Mais il est légiféré. Il y a des règles. Le jihad offensif ne se fait que sous l'autorité d'un gouverneur musulman qui tient les rênes du pouvoir de son pays et qui l'ordonne à son armée. Ce n'est pas du freestyle, ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas le dealer d'hier qui est devenu qui moufti aujourd'hui. Il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. N'écoutez donc pas ceux qui dénigrent les savants de la sunna. Parce qu'ils les dénigrent, c'est pour les tourner vers des ignorants qui font leur fatwa et les égarent. Prenez garde des sites internet et de tous ceux qui les supportent de près ou de loin. Tous ces khawarij qui signifient khawarij, le fait de se rebeller contre ce gouverneur en rendant mécréant. Donc comme je l'ai dit dans des khutbas précédentes, et je le redis pour être clair, et aussi pour ceux qui vont aller mentir aux journalistes, hein, en disant que il y a un minimum qui dit de mauvaises paroles, eh bien qu'ils écoutent bien ces gens-là. Car, comme nous l'avons dit depuis le début, et notre position est claire, nous mettons en garde contre tous ceux qui veulent corrompre la religion d'Allah, contre les innovateurs d'où qu'ils soient, hein, et contre le terrorisme, et contre toute cette boucherie, tous ces actes, toutes ces traîtrises, qui n'a rien à voir avec l'islam. Le musulman doit être clair dans la voie prophétique, et il ne doit avoir aucun doute que nous estimons que les actes de terrorisme sont totalement contraires aux enseignements de l'islam, qu'ils soient effectués dans l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou en Extrême-Orient. Il n'existe aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique, la sunna, qui permet de tels actes insensés. Nous estimons que le jihad offensif ne doit être effectué uniquement derrière un dirigeant musulman qui tient les rênes du pouvoir et de la gouvernance sur son pays et l'ordonne à son armée. Il n'est pas considéré comme étant du djihad. Le fait de mettre en place des cellules terroristes et de faire exploser des bombes et explosifs parmi les gens, ça c'est de la traîtrise, ça c'est de la lâcheté, ça c'est du meurtre, du crime gratuit. Et ça, que ce soit dans les sociétés musulmanes ou non musulmanes, il est strictement interdit. Ces personnes ne sont pas considérées comme des moujahidines dans l'islam. Ils sont plutôt des pécheurs, ayant fait un péché majeur avec leurs croyances et les innovations des khawarij et des shi'as. Nous croyons que les missions suicides menées par les terroristes n'ont aucun fondement dans la loi d'Allah, dans la sharia. Il n'existe aucune preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis de tels actes de se tuer de ses propres mains. Au contraire, la personne qui se tue de ses propres mains, le jour de la résurrection, comme châtiment, parce que ça fait partie des péchés majeurs, eh bien, elle réitérera comme châtiment ce qu'elle s'est fait pour se tuer. Il s'est poignardé, il restera à se poignarder. Châtiment, dans le jour de la résurrection. Il s'est pris un poison, il restera à prendre un poison. Hein? Tout ce qui... C'est interdit dans l'islam, strictement interdit. Nous soutenons qu'il est exact que les khawarij doivent être combattus s'ils font des ravages dans le pays et les autorités doivent être aidées à lutter contre ces khawarij. Et ça, je vous le dis clairement, car ce sont les ulémas de la sunna qui l'ont dit, que même dans des pays qui ne sont pas musulmans, si vous connaissez des gens qui s'affilient à ces khawarij, à ces groupuscules terroristes, ou qui les supportent, et qui tentent d'organiser des missions suicides, des attentats ou du terrorisme, ou peu importe, il faut les dénoncer. Et on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cet acte. Car nous luttons contre ces innovateurs. Car les ulémas ont dit, car ces gens-là feront plus de dommages à l'islam et aux musulmans. Regardez ce qui se passe maintenant. Tu vas aller travailler ? Il faudra vérifier peut-être s'il a une fiche S. Ah oui, mais peut-être il est comme ça, peut-être qu'il va se radicaliser parce qu'il vient prier à la mosquée. Hein ? Soyez ferme dans votre religion, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ne soyez pas de ceux qui tremblent lorsqu'une fitna arrive. Les troubles, la fitna, c'est quoi en arabe ? C'est le fait de faire brûler l'or d'une intensité très très forte. Très très forte. Pour que les impuretés qui sont de cet or-là, eh bien, se séparent de l'or pur. Allah Azza wa Jal teste la communauté avec tous ces troubles. Il y en a qui enlèvent leur hygiène, qui vont raser leur barbe. Il ne faut pas que les gens me reconnaissent que je suis musulman. Subhanallah. Regardez Allah Azza wa Jal comment il dissocie les sincères véridiques de ceux qui ont de l'hypocrisie dans leur cœur. Qu'Allah nous en préserve. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tous les troubles, de toutes les fitnas, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous sur la voie prophétique, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de tous ceux qui les ont suivis à la perfection. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله